Comment devient-on président de la République ? Faut-il saisir l'occasion ou forcer le destin ? Suffit-il de le vouloir ou d'avoir de la chance ? Est-ce une affaire de force ou d'opportunisme ? De liberté ou de nécessité ? Le prince de Machiavel, aujourd'hui, que la fortuna soit avec toi, car oui, gouverner, c'est parfois une question de hasard. Écoutez-moi, je suis votre nouveau président. À partir d'aujourd'hui, tous les citoyens se verront dans l'obligation de changer de sous-vêtements toutes les 28 minutes. Les sous-vêtements se porteront à l'extérieur afin de faciliter le contrôle. Tous les enfants âgés de moins de 16 ans auront désormais plus de 16 ans. Quel est le mot en espagnol pour dire grosse tête ? Le pouvoir lui a tourné-boulé la cervelle. Trouvons un nouveau leader. Ah oui, mais qui ? Il doit bien y avoir un volontaire, prêt à risquer sa vie et à lutter contre les dangers qui nous menacent. Eh oui, bien sûr qu'il y a des volontaires. Si vous voulez bien m'excuser, ça fait presque 8 mois que ma mère m'attend pour dîner. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, les potes ? Bon, je serai président. Bonjour Thierry Ménissier. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université Grenoble-Alpes au sein de l'Institut universitaire de management Grenoble IAE. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Machiavel, dont Machiavel, ombre et lumière du politique paru aux éditions Ellipse. Est-ce que vous pensez, comme on l'a entendu à l'instant dans le film de Woody Allen, Bananas, qu'on peut devenir chef politique par hasard ? Écoutez, la référence, d'abord merci pour votre invitation, citation qu'on vient d'entendre est tout à fait amusante et déconcertante. Elle évoque aussi pour moi ces malentendus que le cinéma a traités. Je pense par exemple au Dictateur de Chaplin ou le film de Kurosawa qui s'appelle Kagemusha, je crois, c'est-à-dire ce film où l'on voit un acteur prendre la place du seigneur de guerre, hein, du chef des samouraïs. Alors, je ne crois pas sincèrement qu'on puisse prendre le pouvoir par hasard. En tout état de cause, ce que je dirais, inversement, c'est que ce qu'on peut appeler le hasard n'en est peut-être pas un, en ce sens que la fortune, c'est-à-dire ce que nous allons définir aujourd'hui, je crois, stimule la vertu. S'il y a une vertu politique, au sens machiavélien du terme, elle se trouvera sans aucun doute stimulée et comme révélée par l'occasion favorable. Donc vous voyez, probablement qu'il existe de la contingence, mais il n'en est pas moins vrai que face à cette contingence qui comprend des difficultés réelles, certains humains se découvrent, hommes et femmes évidemment, des compétences, des qualités effectives. Donc on en vient effectivement au concept important chez Machiavel, parce qu'il y a quand même un rapport entre Bananas de Woody Allen et Machiavel, c'est effectivement cette idée de fortune. Comment on peut définir la fortune et en quoi est-ce un concept majeur chez Machiavel? Parce que c'est vraiment le sujet de notre émission, il faut y consacrer une émission en entier, Thierry Ménissier. C'est en effet tout à fait important de souligner l'importance, si j'ose dire, de cette notion de fortune, qui n'est pas, je ne vais pas me dérober, il n'en demeure pas moins qu'elle est complexe, elle n'est pas ni aisée, à définir, ni simple dans ses éléments constitutifs. Machiavel y consacre un chapitre, le chapitre 25 du Prince, qui est une sorte de mini-traité de philosophie, lui qui n'est pas un philosophe. Il adresse aux philosophes des questions tout à fait fondamentales, mais il se garde bien de passer pour un philosophe. Et il n'y a qu'un chapitre de son œuvre qui est construit d'une certaine manière, à la manière d'un traité de philosophie, et cela au sein, notez-le bien, d'un livre, Le Prince, qui est un opuscule, un petit livre, une sorte de précipité philosophique. Donc, vous voulez dire que c'est tout petit, alors ? C'est une sorte de miniature. Pour moi, on doit travailler sur une miniature et l'on doit développer ce que ce texte enveloppe. C'est vrai pour tous les chapitres. Ça l'est particulièrement pour cette fameuse histoire dont nous parlons, à savoir, plutôt que de dire la fortune, je dirais le dialogue serré de la fortune et de la vertu. Alors, il faut tout de suite dire, Thierry Ménissier, excusez-moi, je vous coupe, mais il faut que les auditeurs et auditrices le comprennent bien. Il y a fortune, et ça va, vous l'avez dit, avec virtu et non pas vertu. C'est un faux ami, virtu, V-I-R-T-U, qui veut dire quoi alors si ça n'est pas la vertu ? La virtu, pour nom italien, virtu, texte si italien, on dit aussi en latin. La virtu au sens, enfin, italienne, dans le texte de Machiavel écrit en italien, la virtus au sens latin, c'est d'abord la qualité du vir, c'est-à-dire de l'homme, du mâle. Donc, c'est l'attribut de la virilité. Alors, j'en profite tout de suite pour dire que le texte du chapitre 25 du Prince est entaché de quelque chose qui est vraiment pénible aujourd'hui, à savoir une métaphore viriliste. Extrêmement désagréable. La fortune est comparée à une femme qu'il faut soumettre et même battre. Le texte italien le dit. Donc ça me permet de vous dire que Machiavel est un auteur particulièrement immergé dans son époque, qui s'adresse non pas à un savant, mais à un Médicis. Le livre Le Prince n'est pas un traité, c'est quelque chose qui est envoyé manuscrit à Laurent de Médicis. Ce qui est important, c'est de dire qu'il y a des éléments de langage qui sont des éléments de langage empruntés à l'époque de Machiavel. Et ma collègue Frédérique Dubard de Gaillard-Bois, qui a travaillé précisément, qui est enseignante-chercheuse à la Sorbonne, qui a travaillé sur le statut, l'image de la femme chez Machiavel, a brillamment montré dans plusieurs publications que, en fait, il y a plusieurs interprétations possibles de cette manière de faire. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, on ne s'exprimait plus fort heureusement de cette manière aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que la métaphore viriliste signale quelque chose du rapport entre donc la virtu et la fortuna. Alors, je réponds quand même à votre question. À mon point de vue, la fortuna s'entend en au moins trois sens. D'abord, le premier sens, c'est celui dont Machiavel hérite dans la culture populaire de son époque. Christian Beck, qui était lui-même professeur à la Sorbonne, a écrit un très beau livre sur les textes des marchands florentins. Et qui est le traducteur du Prince de Machiavel. C'est la traduction qu'on entend cette semaine. Voilà, donc ce grand historien italianiste a montré que les marchands florentins, à qui Machiavel s'adresse puisqu'il écrit aux Médicis, disposaient d'une métaphore de la fortune de mer qui consiste à réfléchir en termes de risque pour l'investissement. C'est le premier sens. Donc ça désigne la contingence qui peut ruiner nos efforts, tout particulièrement d'investissement. Ce qui fait que le calcul du risque est très compliqué. Il faut une qualité qui n'est pas la qualité uniquement du calcul mathématique. C'est ce que dit Machiavel, il faut un sens particulier dont nous reparlerons tout à l'heure. J'espère. Le deuxième sens de la notion de fortune, c'est celui hérité des Romains et ça devient assez compliqué. C'est qu'en fait, il s'agit d'une quasi-divinité qui est capricieuse. C'est pas simplement la contingence ou le hasard, c'est une puissance active, mais ce n'est pas réellement une déesse. C'est tout à fait intermédiaire. Ça fait penser quand même aux caprices des dieux dans la mythologie grecque qui vont tout à coup faire subir aux hommes l'effet de leur passion. Il y a un autre horizon de sens qui apparaît. Il y a peut-être une intentionnalité, mais elle n'est pas accessible aux humains. Mmh. Alors, peut-être de ce point de vue que Machiavel se raccroche à des grands auteurs auxquels on ne pense pas nécessairement, comme Homère, qui avec la figure d'Ulysse a campé un personnage malin, un personnage aussi rusé que les puissances surnaturelles, qui réussit finalement à s'en tirer brillamment. Troisième niveau de sens, le niveau de sens proprement philosophique, il me semble que Machiavel affronte cette très difficile question de la contingence. Et de ce point de vue, on peut établir qu'il était, sinon directement, du moins indirectement, un très bon connaisseur des thèses d'Aristote sur le sujet des futurs contingents. Et toute la thématique du dialogue d'Aristote avec la philosophie de Mégare, des Mégariques, ne lui est pas inconnue manifestement. Et le chapitre dont nous parlons campe le dialogue de la fortune et de la vertu d'une manière qui est favorable à une forme d'action libre pour l'humain, dans une perspective, me semble-t-il, très originale par rapport à l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Eh bien justement, Thierry Ménisset, nous allons tout de suite écouter un extrait de ce chapitre 25, puisqu'on en parle depuis quelques minutes. Ce chapitre 25 qui s'intitule en français « Combien la fortune a de pouvoir sur les choses humaines et comment on peut lui résister ?» Je n'ignore pas que nombreux sont ceux qui ont été et sont d'avis que les choses du monde sont gouvernées par la fortune et par Dieu, de sorte que les hommes, malgré leur sagesse, ne peuvent les corriger et n'y ont même aucun remède. Pour cette raison, ils pourraient juger qu'il n'y a pas lieu de trop s'épuiser à faire ces choses, mais de se laisser gouverner par le hasard. Cette opinion a eu davantage de crédit à notre époque à cause des grands changements que l'on a vus et que l'on voit chaque jour, échappant à toute conjecture humaine. Pensant pour ma part parfois à cela, j'ai, en quelques occasions, penché vers leur opinion. Néanmoins, pour que notre libre arbitre ne soit pas étouffé, je juge qu'il peut être vrai que la fortune est l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'également elle nous en laisse gouverner à nous l'autre moitié, ou à peu près. Je la compare à un de ces fleuves impétueux qui, quand ils se mettent en colère, inondent les plaines, abattent les arbres et les édifices, enlèvent de la terre ici, la déposent ailleurs. Chacun fuit devant eux, tout le monde cède à leur élan, sans pouvoir nulle part y faire obstacle. Bien qu'il soit ainsi fait, il n'en reste pas moins que les hommes, quand le temps est calme, pourraient y pourvoir, et par des levées et par des digues, de sorte que, s'ils venaient ensuite à gonfler, ou bien ils s'en iraient par un canal, ou bien leur élan ne serait pas aussi violent et aussi dommageable. Il advient de même de la fortune, qui manifeste sa puissance là où il n'y a pas de vaillance préparée pour lui résister, et qui donc tourne son élan là où elle sait que l'on n'a fait ni digue ni levée pour la contenir. C'est quand même difficile hein, de reprendre la parole sur Carmina Burana, mais ça tombe effectivement très bien puisque c'est Fortuna Imperatrix Mundi, ô Fortuna, et c'est parfait pour donc ce texte de Machiavel, cet extrait du Prince, chapitre 25, dans lequel on a entendu hein, Thierry Ménissier, cette lutte, on pourrait dire, entre d'un côté la Fortuna, qu'il met à niveau, même niveau que Dieu, et d'un autre côté, alors le mot n'est pas dit, mais la vertu, à savoir peut-être cette capacité à anticiper la fortuna. Oui, le mot est dit en fait, hein. Le mot est dit puisque la traduction de Christian Beck souffre d'un défaut pour moi, mais qui est une option interprétative, c'est la sienne. Virtu est bien dans le texte, mais traduit par vaillance. C'est ça, le mot vaillance qu'on entend à la fin, c'est-à-dire qu'il manifeste sa puissance là où il n'y a pas de vaillance préparée pour lui résister. Tout à fait, c'est bel et bien en italien le mot virtu. Que personnellement, dans la traduction du Prince que j'ai moi-même réalisé, je maintiens vertu. En effet, je crois que Machiavel, c'est un détail, mais il faut le souligner peut-être pour d'ailleurs l'ensemble de la semaine, s'il y a un machiavélisme, c'est lié à la ruse littéraire de l'auteur, permanente. Machiavel est un génie littéraire, en ce sens que, alors comme d'autres philosophes, comme Platon, comme Nietzsche, comme Tocqueville, si on l'inclut dans les philosophes. C'est-à-dire qu'il y a un sens cryptique, il y a des sous-entendus. C'est complexe parce qu'on ne sait jamais comment qualifier, et traducteur de Machiavel, nous nous reconnaissons entre nous en nous demandant, mais croit-il vraiment à ce qu'il dit ? Donc, croit-il à ce qu'il dit ? Et je crois que j'ai moi-même, il y a quelques années, dans le livre donc qui était issu de ma thèse, hein, en 2001, j'avais mis en avant le fait qu'il y a probablement un machiavélisme littéraire qu'on doit toujours prendre comme présupposé quand on lit Machiavel, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais croire totalement qu'il adhère à ce qu'il dit comme le ferait un philosophe. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre en compte en particulier le pacte de lecture qui existe entre Machiavel et ses lecteurs initiaux, les destinataires des ouvrages. Le prince, je vous le rappelle, est adressé à un adversaire de Machiavel. Laurent de Médicis. Alors, mais qu'il essaye en même temps de courtiser pour revenir au pouvoir. Donc effectivement, voilà. Il y a cette intention qui est là. Alors, c'est un texte performatif. Il s'agit que Laurent de Médicis prenne effectivement le pouvoir pour unifier l'Italie, comme le montre le chapitre qui suit, le chapitre 25 dont nous parlons, à savoir le chapitre 26 qui exhorte. C'est une exhortation. Donc c'est pas, vous voyez, un traité. On passe d'un traité de philosophie dans le chapitre 25 à un texte d'exhortation qui lui-même met en perspective le traité philosophique. Il s'agit de dire au Médicis, prends le pouvoir. Tu en as les capacités et en tout cas la situation l'exige, même sur le plan ontologique, parce qu'on parle bien d'ontologie. Est-ce qu'on doit prendre au premier degré ce texte qu'on vient d'entendre ? Alors Thierry Ménissier, est-ce que là, Machiavel adhère à son propos ? Et j'entends là, non pas forcément une adhésion entre l'auteur, le courtisan et le propos, ce qui nous intéresse peut-être pas forcément, mais est-ce qu'on doit prendre au sérieux cette analyse entre la fortune et la virtu ? Notez bien la mise en perspective très forte du chapitre, du début du chapitre, pour ma part. ayant examiné avec soin ces choses. C'est ce que nous dit Machiavel. Donc là, il insiste pour qu'on le croie. Il mobilise, vous voyez, son expertise. Il fait preuve de sa compétence. Et ce qu'il nous dit, c'est que on pourrait se laisser aller. La fortune est tellement puissante ces dernières années en Italie, à partir de 1494, qui plus est depuis que les Républicains, la cause philo-populaire, comme on dit, que Machiavel servait, donc a été défaite, quand les Médicis sont revenus, eh ben on pourrait baisser les bras. Il a lui-même, dit-il, et c'est très touchant, été tenté par cela. Il est tentant de se laisser aller aux catastrophes. Lorsque les transformations brutales du monde, les agressions subies, nous impactent, comme on ne dit pas en français, eh bien nous sommes obligés probablement de nous dire « mais à quoi servent mes efforts ?» Cela posé, Machiavel prend, comme vous le voyez, du recul. Il fait un pas de côté en disant « quand la fortune a moins de puissance, il serait tentant de croire qu'on peut édifier des digues, avec la métaphore donc du torrent impétueux, de la rivière qui déborde, pour pouvoir la canaliser. » Et la dernière partie du texte va dire que c'est insuffisant en réalité. Bien entendu, quand les choses sont favorables, face au « tumulti », il faut dresser des ordini, des institutions, ce dont il parle précisément dans ses autres ouvrages, hein, tandis que le prince est tourné vers la virtu du leader. Donc, on pourrait croire évidemment qu'il faut, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que quand il y a des catastrophes, des choses extraordinaires, quand se produit les causes extraordinaires, ce dont on parle dans le prince, eh bien, il faut mobiliser une autre qualité. Cette autre qualité, c'est précisément la virtu. Donc, qui est là traduit par vaillance, on pourrait dire quoi ? La force, l'anticipation ? Une traduction faible, c'est talent. Une traduction métaphorique, c'est vaillance par référence à une sorte de code chevaleresque ou à la métaphore du combat. Pour ma part, je maintiens vertu, c'est-à-dire qu'on cherche à qualifier une vertu sur le plan ontologique et sur le plan politique. Alors évidemment, sur le plan éthique, précisément, cette vertu n'en est pas une. C'est même une anti-vertu. Mais c'est le paradoxe que Machiavel installe. Face à la fortune, la seule théorie possible pour l'action libre, c'est-à-dire pour que l'humain soit véritablement acteur de son action, c'est de mobiliser ce qu'il appelle par ailleurs, dans les discorsi sur Titlive, « eccessiva virtù », que j'ai traduit pour ma part par, évidemment, « vertu excessive ». Mais ça veut dire un excès dans la puissance. Donc, peut-être la meilleure traduction, vous allez voir, c'est fortement inquiétant, serait la puissance. Pourquoi c'est inquiétant, la puissance ? Parce qu'on voit bien qu'il y a chez Machiavel l'appel à une énergie qui peut passer par moments pour surhumaine, dans la mesure où il s'agit de s'égaler à la fortune. Rivaliser avec Dieu, puisque dès le départ, dans le texte qu'on a entendu, il dit « le monde, les choses du monde sont gouvernées par la fortune et par Dieu ». Ce qui veut dire que soit fortune et Dieu sont deux puissances concurrentes qui quand même gouvernent les hommes, soit la fortune, c'est Dieu. À ce moment-là, en fait, c'est presque un défi lancé à la religion, quoi qu'il en soit, ce qui domine. Et ça, c'est vraiment décisif, Thierry Minissier, pour la vision qu'on a aussi de la politique. La vie politique est dominée par la fortune, ce qui veut dire aussi que les hommes politiques n'ont pas le pouvoir qu'on leur attribue, décisionnaire, capable d'impulser des actions radicalement nouvelles. Vous faites bien de revenir sur Dieu et la fortune. La traduction des anti-machiavéliens modernes et contemporains, par exemple Léo Strauss, Pierre Manant, souligne, Pierre Manant avec qui j'ai fait ma thèse, hein, nous en parlions souvent, souligne ce qui constitue pour eux un épouvantable blasphème. Épouvantable blasphème qui, je crois, mérite d'être pris en compte. Alors, ou bien il s'agit d'une intention de Machiavel, mais on ne sait pas, ou bien il s'agit de reprendre des éléments qui étaient populaires, partagés par la culture populaire et que l'horizon d'attente des Médicis pouvait très bien intégrer, si vous voulez. Donc peut-être que pour un Florentin, à l'époque, ça ne choquait pas. Florence ayant un statut particulier au sein de la chrétienté. Voilà, c'était un lieu de licence et de débauche, considéré comme tel par la papauté, par exemple. Alors, donc, pour revenir maintenant sur votre question, en fait, je serais plus nuancé. Je dirais que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il existe, pour les hommes et les femmes qui sont leaders, tantôt dans les affaires publiques, tantôt dans les affaires privées, la possibilité de réorienter le cours des choses en se montrant eux-mêmes exceptionnellement imaginatifs, innovants, comme le demande la fortune. En revanche, je vous concède qu'on ne saurait planifier cela. On ne saurait planifier cela. Voilà la grande leçon du texte. L'action prime par rapport à la réflexion. Il ne peut pas y avoir de calcul des risques qui soit pertinent avant d'agir. Ce qui est d'ailleurs en fait en contradiction avec la lecture complotiste qu'on peut faire de Machiavel qui postule que les chefs politiques font le mal en secret, prévoient tout. Au contraire, en fait, Machiavel nous dit quand même plutôt le contraire. C'est-à-dire que finalement, les hommes politiques sont aussi des hommes qui sont soumis en fait au surgissement de l'histoire, des événements et qu'ils ne peuvent pas tout calculer. Les gens politiques, hommes et femmes, sont en effet en capacité d'improviser. Une improvisation inspirée, alors qui vient d'on ne sait où, c'est extraordinaire, qui s'apparente à la création artistique. Cette improvisation déconcerte sans aucun doute leurs adversaires, mais aussi leurs partisans, ce qui oblige à concevoir, étant entendu que par moments ils sauvent l'organisation, là encore privée ou publique, dont ils sont responsables, à la tête de laquelle ils sont, ce qui oblige à concevoir l'opportunisme comme une très grande qualité politique. C'est-à-dire que l'opportunisme, c'est finalement le reflet de cette capacité à agir de manière inspirée, je ne dirais pas en connaissance de cause, puisque précisément la cause nous échappe. Je dirais que la capacité à modeler la contingence, à créer une situation favorable quand tout semblait perdu, paraît être cette qualité insigne de la responsabilité politique. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? C'était la voix d'Anna Arendt dans un entretien avec Roger Herrera du 6 juillet 1974. Étonnant, mais Anna Arendt semble partager la philosophie de Machiavel sur la contingence à l'œuvre dans la vie politique, Thierry Ménissier. Personnellement, je soutiens cette idée d'une très grande proximité intellectuelle, voire d'une filiation directement de la métaphysique de l'événement arendtienne et de la théorie de la virtu et de la fortune chez Machiavel. Je pense que Arendt manifeste ici un courage extraordinaire vis-à-vis de la tradition philosophique qui toujours, à la suite des auteurs du progrès comme des auteurs de la dialectique historique, nous invite à penser des continuités que Machiavel dément. À partir de là, le problème est entier. Comment qualifier l'action libre ? Évidemment, sur le plan, disons, épistémologique, mais aussi comment ensuite l'évaluer sur le plan éthique. Et je crois qu'Anna Arendt, tributaire de sa propre critique du totalitarisme, ne pouvait concéder cela qu'avec une sorte de regret. C'est pour ça que je parle de courage. Il faut être courageux, et courageuse en l'occurrence, pour Arendt. Ces textes étaient très très émouvants, je vous remercie de l'avoir fait entendre aux auditeurs. Il est très très intéressant de se dire, voilà, bien entendu, une fois que les choses se sont passées, nous pouvons construire des narrations rétrospectives qui nous expliquent et qui sont satisfaisantes. Mais avant cela, nul ne sait ce qu'il faut faire. Nul ne sait ce qu'il faut faire. Alors, d'où vient la compétence dans la responsabilité politique? C'est tout à fait mystérieux. C'est tout à fait mystérieux. Je crois que il ne saurait y avoir d'école des chefs politiques ni des leaders des organisations privées sans cette idée que il faut certes mobiliser beaucoup de connaissances. Il faut faire appel aux meilleurs spécialistes, experts. Aujourd'hui, par exemple, l'expertise algorithmique évidemment assiste la décision. Mais ce que dit Machiavel, cette voix venue du XVIe siècle nous dit que nul calcul humain et artificielle ne saurait épuiser la féconde idée du devenir. Et je trouve que c'est évidemment inquiétant, mais c'est aussi tout à fait encourageant. Et c'est ce qui, je crois, il faut dire, moi je suis pédagogue, je suis enseignant-chercheur, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Il faut dire aux jeunes, expérimentez, et vous verrez bien. Ne soyez pas aveugles sur les échecs, profitez des échecs, regardez comment les choses peuvent se construire. Aujourd'hui, par exemple, en regard des transitions. Je soutiendrai, en poursuivant Machiavel, mais aussi Hannah Arendt, que le défi aujourd'hui des transitions trouve, dans le chapitre 25 du Prince, non pas une philosophie de l'histoire, puisque c'est un traité d'anti-philosophie de l'histoire, au sens hegelien du terme, trouve une philosophie du devenir, inspirante, qui permet de se mettre soi-même à l'épreuve pour imaginer des solutions. Oui, mais ce qui est assez décourageant dans cette anti-philosophie de l'histoire, Thierry Ménissier, c'est que finalement, cette fortune reste une puissance à laquelle on va se subordonner. C'est peut-être la grande différence d'ailleurs entre Arendt et Machiavel. Arendt est persuadée que le collectif est capable d'impulser une action radicalement nouvelle. C'est le principe de la natalité chez elle. Alors que Machiavel, on a l'impression que finalement on va anticiper ce qui pourrait se passer, mais le nouveau ne vient pas de la volonté pure de l'homme lui-même, mais au contraire de ce qu'il va anticiper dans son environnement ou de l'ordre de la prévision, de l'ordre de l'histoire à venir. D'abord, il n'y a pas de... Je relève un détail de ce que vous avez dit, il n'y a pas de théorie de la volonté chez Machiavel. La théorie, si vous voulez, scolastique de la volonté, qui s'est élaborée à la Renaissance, au Moyen-Âge, avant l'écriture de Machiavel, est très très étrangère à la théorie de Machiavel. Et quand, vous savez, tout à l'heure ça a été lu dans le texte, le libre arbitre dont il est question dans le chapitre 25 et une fois dans le chapitre 26. Libero arbitrio, en italien, c'est la seule mention dans toute l'œuvre de Machiavel de ce terme philosophique, qui n'est pas référé à une théorie de la volonté. C'est plus subtil que la notion substantielle de volonté, notion métaphysique, qui est d'ailleurs décalquée de la divinité. Hein, la volonté divine et la volonté humaine, dans les textes ensuite de la scolastique tardive et du XVIIe siècle, par exemple chez Descartes. En réalité, il s'agit bien, pour Arendt comme pour Machiavel, de pluraliser les options, notamment en enrichissant le talent individuel par une délibération collective. J'attire votre attention. Ça peut sembler étrange quand on lit Le Prince. Oui, mais parce que le terme de collectif n'est pas déterminant. Je trouve ça... d'abord, Machiavel a pris un soin particulier à inclure une théorie de la collectivité, notamment dans le chapitre 9, quand il nous explique que finalement, il y a des cas où finalement, le prince doit vraiment composer avec une assemblée. Qui plus est, Le Prince, pour moi, est un morceau détaché d'une réflexion fondamentalement républicaine. C'est-à-dire que le pouvoir collectif, pour Machiavel, est évidemment plus important que le pouvoir individuel. Et j'aurais tendance à dire que Machiavel estime, je m'engage peut-être beaucoup, mais je suis certain que Machiavel estime qu'une action individuelle brillante est une action collective invisible. On ne devient pas un individu, entre guillemets, vertueux, homme et femme inspirés, homme ou femme inspirés, sans pluraliser les options, notamment en écoutant les autres. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que je crois que le point d'ailleurs de contact entre Arendt et Machiavel repose sur cette dimension, finalement, du collectif. Ce collectif agissant au contour flou, au contour flou. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une action collective? C'est une question que pose toute l'œuvre de Machiavel. Alors évidemment, qui est focalisée dans Le Prince sur, finalement, la supposée virtu, donc la compétence apparemment individuelle. Bon, à partir de là, si vous voulez, je pense qu'il faut maintenir cette continuité entre l'œuvre machiavélienne et arendtienne dans l'idée que la phénoménologie politique ne saurait s'épuiser dans le calcul d'utilité. Alors, ce qui ouvre de larges horizons, c'est-à-dire qu'il y a chez Machiavel, on le voit dans le texte italien, tout un travail sur l'ordinaire, l'extraordinaire, sur le fait de rénover, créer, innover. Et à titre personnel, c'est ce qui m'a permis, en philosophe machiavélien, donc inspiré par ces thèses, de consacrer une partie de mes recherches à la notion d'innovation à partir du talent supposé individuel, dans une mythologie illusoirement individualiste, des innovateurs. Well, I think it's really a mindset. You have to decide we're going to try to do things differently. Je pense que c'est un état d'esprit. Vous devez décider que vous allez faire les choses différemment. Mais je pense que vous devez le décider. Pensons au-delà du truc habituel. Et ça aide d'avoir un environnement dans lequel cette façon de penser est encouragée et récompensée, et où c'est permis de se tromper aussi. parce que quand on essaye de nouvelles choses, une large partie ne va pas marcher et ça doit être admis. Je pense que les États-Unis sont plus ouverts aux nouvelles idées que la plupart des pays du monde. Je pense que c'est devenu une sorte de prophétie autoréalisatrice parce que comme les États-Unis sont ouverts aux nouvelles idées, ça a attiré des gens qui avaient de nouvelles idées. Et maintenant, c'est rempli de gens qui ont de nouvelles idées et qui ne sont pas limités par l'histoire. Donc je pense que oui, c'est possible pour des gens ordinaires de choisir de devenir extraordinaires. Ceux qui, grâce à la fortune seulement, deviennent princes, de simples particuliers qu'ils étaient, le deviennent sans grande peine, mais en ont beaucoup pour se maintenir. Ils n'ont aucune difficulté en chemin, car ils y volent, mais toutes les difficultés naissent quand ils sont en place. De tels hommes sont ceux à qui a été accordé un état soit pour de l'argent, soit par la grâce de qui l'accorde. Comme ces empereurs qui, de simples particuliers qu'ils étaient, en corrompant les soldats, parvenaient à l'empire. Ces hommes se fondent seulement sur la volonté et la chance de qui leur a concédé le pouvoir, c'est-à-dire sur deux choses très changeantes et instables. Ils ne savent ni ne peuvent garder ce rang. Ils ne le savent parce qu'à moins d'être hommes de grande intelligence et de valeur, il n'est pas logique qu'ayant toujours vécu dans la condition de simple particulier, ils sachent commander. Ils ne le peuvent parce qu'ils n'ont pas de force qui puisse leur être amise et fidèle. En outre, les États qui croissent tout à coup, comme toutes les autres choses de la nature qui naissent et poussent rapidement, ne peuvent avoir des racines et des ramifications telles que le premier orage ne les détruise. À moins que de tels hommes, comme on l'a dit, qui sont devenus si soudainement des princes, n'aient assez de valeur pour que ce que la fortune leur a mis entre les mains, ils sachent aussitôt se préparer à le conserver et que ces fondements que les autres ont édifiés avant de devenir princes, ils les édifient ensuite. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Thierry Minissier, pensez-vous que Elon Musk, dont on a entendu la voix dans une archive du 29 avril 2010, corresponde à ce que décrit Machiavel dans ce chapitre 7 du Prince, interprété par Bernard Gabé, à savoir ce prince qui est devenu prince par fortune, grâce à la fortune, mais en fait, c'est aussitôt se préparer à le conserver grâce à sa virtu. Écoutez, c'est tout à fait étrange. Et à bien des égards dérangeant, voire franchement scandaleux, faut l'assumer, de considérer que les propos d'Elon Musk, mais plus encore sa position personnelle, que ses propos reflètent partiellement, eh bien doivent être considérés, je pense en effet, il me semble, comme une des expressions possibles de la pensée machiavélienne, ce qui permet de souligner l'originalité de celle-ci. Ce que moi j'y ai trouvé, en tout cas, comme philosophe, tourné vers les questions de transformation. J'ai fait ma thèse sur la politique et l'histoire, et j'ai ensuite, très longtemps, comme une sorte d'écho lointain, travaillé de manière approfondie sur la notion d'innovation, sur la complexité de cette notion d'innovation sur le plan épistémologique, aussi bien que sur le plan pratique. Eh bien, en effet, Musk, dans son délire d'innovateur, dans son autofiction permanente, dans ce qu'il nous dit du peuple américain, dans cette curieuse reconstitution, habitué à l'extraordinaire, à ne pas composer avec la tradition, si fait que maintenant, finalement, les Américains sont en capacité, enhardis, à produire des choses nouvelles. Tout cela, évidemment, a pour soi la force des GAFAM. La force des GAFAM, on parle bien d'idées innovantes, qui ont été adoptées par l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que la perspective machiavélienne qui consiste à dire « il faut que tu trouves la possibilité de mantenere lo stato » étant entendu que cette expression « mantenere lo stato » ne signifie pas « maintenir l'État » puisque au moment où Machiavel écrit, la notion d'État au sens puissance publique n'existe pas encore. Machiavel veut dire « mantenere lo stato », ce qui est le leitmotiv du prince, c'est-à-dire tu conquiers mais ensuite tu dois durer dans ce que tu as créé, maintenir ton État. Maintenir ton état, c'est ce qu'a fait Elon Musk, c'est ce qu'il continue de faire en surabondant d'idées nouvelles, plus farfelues les unes que les autres. Vous voyez, qui démentent toute prévision. C'est-à-dire qu'il faut faire l'hypothèse, même si, évidemment, cette hypothèse n'épuise pas le champ des possibles ouvert par Machiavel, mais il faut faire l'hypothèse que la distinction à laquelle je tiens beaucoup entre prudence et vertu, eh bien, trouve dans le propos d'Elon Musk, en effet, une illustration. Alors, cette distinction... Ce qui est étonnant, Thierry Ménissier, parce que maintenant, ça veut dire que la figure du prince, du chef, n'est plus seulement politique, n'est plus seulement celle du chef, mais du leader, comme on dit, et qu'elle a débordé la sphère politique. Mais Machiavel écrit à des Médicis qui furent d'abord drapiers avant d'être banquiers. Puis, après que Machiavel ait écrit, ils deviendront grand-duc de Toscane. C'est-à-dire que pour Machiavel, évidemment, il s'adresse à dans une cause plutôt républicaine, il s'adresse à un responsable politique. Mais d'autres passages de son œuvre, par exemple les histoires florentines, montrent bien que le problème qu'il pose, qu'il adresse d'ailleurs aux Médicis, c'est que la vertu politique, en quoi relève-t-elle d'autres compétences qui sont partagées dans la société ? Qu'est-ce qui distingue un entrepreneur, par exemple un entrepreneur qui a le souci de ses employés, d'un responsable politique ? Je pense qu'il y a un point de contact important. Alors, je ne dis pas personnellement que c'est la même chose, hein. Je ne pense pas du tout que les vertus de l'entrepreneur, enfin les qualités de l'entrepreneur, soient les qualités du chef politique. La notion d'intérêt public, hein, je vous rappelle, j'ai écrit un livre assez machiavélien là encore sur la notion de corruption, sur ce que veut dire maintenir la distinction entre donc les intérêts privés et l'intérêt public. Il n'en demeure pas moins que dans la capacité à mobiliser des possibles auxquels les autres vont croire, eh bien, il y a des points communs. C'est-à-dire qu'un leader, en effet, on peine à trouver un terme français équivalent, c'est quelqu'un qui réussit à, hommes et femmes, faire croire, littéralement, que ces solutions peuvent être adoptées, en particulier quand la situation est sombre. Les gens qui réussissent à apporter un peu de lumière et qui se font suivre, eh bien, en effet, sont aussi bien des personnes privées que des personnages publics. Le point est difficile à admettre pour la philosophie politique, qui a très souvent clivé la dimension privée et la dimension publique. Il n'en demeure pas moins que Machiavel est issu du monde des marchands florentins. Et je crois que le texte du prince a souvent été une source d'inspiration pour les uns comme pour les autres. Ce qui est intéressant aussi, Thierry Ménissier, dans le texte qu'on a entendu à l'instant, c'est cette manière dont Machiavel insiste sur l'importance de la volonté, de la chance, des racines, de la ramification pour que le pouvoir continue à pouvoir s'exercer. Est-ce que, en misant sur ces qualités-là, on est sûr de pouvoir continuer justement à maintenir l'État ? C'est-à-dire ce paradoxe quand même qui consiste à maintenir l'État en apportant du nouveau, en profitant des crises, en profitant, et ça c'est un terme important chez Machiavel, de la variabilité des temps. Écoutez, je vais vous décevoir. Non. Non. On n'est jamais certain. Ce qui rend la pensée de Machiavel proprement inquiétante. Et je crois que il peut paraître donc tentant, de ce point de vue, de ne pas vouloir l'écouter. Machiavel est un auteur profondément inquiétant sur cette question et cet enjeu majeur de savoir si l'humain peut se montrer à la hauteur des événements. Bien entendu, non. Il y a des périodes de l'histoire, des fêtes, où toutes les velléités humaines sont démenties. Parfois, l'humain est minable ou est incapable de se tirer d'affaire. En revanche, ce que dit Machiavel, c'est que deux choses, il faut prendre garde, en effet, à la qualità dei tempi. Expression qu'il utilise de manière récurrente, hein, dans les discours sur Tite Live en particulier. La qualità dei tempi, c'est ce qui fait que, avec un peu de discernement, on peut voir apparaître une concordance entre certains talents humains et certaines situations. Mmh. Et la réussite pour une organisation, alors une nation, une cité-État, eh bien, c'est quand, fort heureusement, Moïse trouve les Hébreux, il le dit dans toute lettre dans le Prince, les Hébreux asservis. Donc c'est paradoxalement favorable à la vertu de Moïse. Ou de même quand Cyrus emmène les Perses, et ainsi de suite dans les grandes situations d'adversité. L'histoire nous inspire malgré tout. Première chose. Deuxième chose, en fin de compte, surtout à l'échelle globale qui est la nôtre aujourd'hui, ce que dit Machiavel, c'est qu'il n'y a jamais une perte absolue. C'est une perte relative qui est spatiale. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de leader dans un coin du monde, il y en a un autre, potentiellement, ou une autre, ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas une visée universelle de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'un peut être bon pour l'autre. En réalité, bien entendu, le monde de Machiavel est celui de l'adversité. C'est-à-dire que les peuples, les groupes humains sont aux prises les uns avec les autres. Il n'en demeure pas moins que la quantité, il le dit en toutes lettres, la quantité générale de vertu est toujours la même. C'est simplement, elle se délocalise. Alors peut-être que Musk a raison. Depuis un certain temps, la virtu est états-unienne. Elle est nord-américaine. Alors, tout le travail, en tout cas en ce qui nous concerne sur le plan politique et pourquoi pas sur le plan des entreprises innovantes, est de stimuler de la virtu de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est-à-dire que dans le monde de Machiavel, on n'a pas le choix. C'est ce que vous disiez, ce n'est pas une perspective universelle, c'est une perspective profondément, si vous voulez, au contraire, antagoniste et particulière. C'est intéressant ce terme de « on n'a pas le choix », Thierry-Munissier, parce qu'effectivement, il y a une importance de la nécessité. On a l'impression, en fait, que les entrepreneurs, les leaders, les chefs politiques, enfin ces figures, en fait, de chefs, ne sont pas libres. Elles n'agissent pas par leur simple volonté. Hein. Vous êtes revenu sur ce concept, Thierry-Munissier, mais que justement, elles répondent à une forme de nécessité. Elles saisissent l'air du temps, mais ce temps-là est presque nécessaire. Les dépassent, elles stimulent les troupes, mais parce qu'il faut faire ainsi. Oui, et votre remarque fort judicieuse nous permet de pointer un élément qu'on n'a pas encore abordé. En fait, à la place de la volonté, il y a chez Machiavel, de manière extrêmement étonnante pour nous, qui ne sommes pas au fait des théories de la Renaissance, une notion qui est l'ambition. Machiavel a écrit une série de textes sous forme poétique qu'on appelle les Capitoli. Et il y a un capitolo dell'ambizione, de l'ambition, qui explique qu'il existe une force cosmique qui traverse les êtres, qui les anime, et c'est ce qu'on appelle l'ambition. Alors c'est pas une qualité individuelle, au contraire, c'est quelque chose qui pousse les humains. L'autre nom, c'est l'envitable. Oui, tout à fait. Et l'autre nom de l'ambition, c'est la nécessité. Musk ne pouvait pas être autrement que Musk. Donc ça veut dire en fait qu'on ne peut pas choisir qui on est. Alors, voilà ce dont nous n'avons pas parlé, le fond de l'action du ciel, il cielo. Il y a chez Machiavel, ça a été interprété de manière tout à fait déconcertante par plusieurs très grands interprètes, une théorie du zodiaque. Il y a une théorie. Il aime l'astrologie. Il se trouve que son époque partageait cette conception que finalement nos actions sont mues, notamment la nécessité. C'est d'abord la nécessité que les astres nous amènent à nous disposent à être. Donc on voit bien dans le livre magistral qu'il faut avoir lu quand on est un spécialiste de Machiavel et même plus généralement le livre d'Anthony Parel qui s'appelle The Machiavellian Cosmos. De 1992, et par exemple les ouvrages en italien d'Eugenio Garin, par exemple le Zodiaque de la vie, nous montrent qu'il y a un fond qui nous donne à penser sur les circonstances qui se confondent paradoxalement avec la nécessité. C'est très déconcertant pour la philosophie qui a voulu isoler la nécessité de la dimension, évidemment, de l'influence des astres, hein, d'une part, mais d'autre part aussi du surnaturel. Et du coup, c'est compliqué chez Machiavel parce que dans le chapitre 25 du Prince, par exemple, on peut pas faire en sorte que ces éléments n'existent pas. Alors, du coup, être la bonne personne à la bonne place. Voilà, on parle de ça. Être la bonne personne à la bonne place, ça relève pas, en tout cas, d'un choix. Ça relève pas d'un calcul totalement prévisible. Donc, c'est extrêmement perturbant, ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'au début de l'émission, on est là par hasard. Ça ne veut pas dire ça pour autant. Il n'en demeure pas moins que ça reste mystérieux. L'être qui vit est celui qui sort vainqueur de la vie. Et cette victoire continuelle lui est aussi nécessaire que l'air respiré par ses narines. Mener à bien une tâche ardue, c'est s'accoutumer à une ambiance hostile. Plus l'acte comporte de difficultés, plus grande sera la joie du triomphe. Tel est l'état d'esprit de l'homme qui va s'élancer du tremplin dans la piscine et, après un coup d'œil en arrière, fonce dans l'eau, la tête la première. Dès que le nageur quitte le tremplin, son environnement devient féroce, et féroce le châtiment infligé s'il manque son coup et frappe l'eau à plat. Bien sûr, rien ne l'oblige à courir ce risque. Libre à lui de se prélasser au bord de l'eau et de jouir de l'air estival, du soleil et de la terre ferme. Mais ce plongeur ne le conçoit pas ainsi. En cet instant rapide où il traverse l'air, il vit avec une intensité qu'il ne connaîtrait jamais s'il se contentait de rester allongé sur la berge. Quant à moi, j'aime mieux être ce sportif plutôt que le badaud couché sur l'herbe en train de regarder. Voilà pourquoi je construis le Snark. Je suis ainsi fait. Tel est mon bon plaisir. Voilà tout. Ce voyage autour du monde représente pour moi des heures sublimes. Me voici, chétif animal, 165 livres de chair et d'os, de nerfs, de tendons et de cerveau. Tout cela doux et tendre, vulnérable et fragile. Un brin de vie palpitante. Voilà tout ce que je suis. Autour de moi vont les grandes forces naturelles. Menaces colossales, titans de destruction, monstres dénués de sentiments, qui ont autant d'égards pour moi que j'en ai pour le grain de sable que j'écrase sous mon pied. Aucun de ces monstres déchaînés ne connaît la frêle créature, toute de nerfs et de faiblesse, que les hommes appellent Jack London, et qui, elle-même, se croit quelque chose, voire un être supérieur. Alors ce n'est pas du Machiavel, Thierry Ménissier, c'est un texte de Jack London, La croisière du Snark, qui date de 1911, interprété par Bernard Gabé. Cette idée vient de vous, Thierry Ménissier, c'est vous qui avez eu l'idée de rapprocher la figure du prince, de ce leader, avec celle aussi de l'aventurier. Oui, tout à fait. Et le texte lu par le comédien est encore plus beau, en effet, que quand on le lit soi-même. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est en effet qu'il donne à penser... Il est très très évocateur d'une des possibilités ouvertes par le texte machiavélien qui, vous vous souvenez, préfère les jeunes. Cet hymne à la jeunesse qui consiste à dire « ils sont moins circonspects », on dirait aujourd'hui moins prudents. Ils sont moins circonspects, ils s'engagent avec plus de conviction, sans doute de manière moins raisonnable. Hein ? C'est intéressant de voir que la rationalité politique dont il est question en situation exceptionnelle pour sauver l'Italie des barbares, comme le dit le chapitre 26 du Prince, eh bien, implique que l'on se jette à l'eau. Et je crois qu'il y a chez Machiavel un effet de sens, sans doute lié à la circonstance. Hein. Il envoie ce texte à quelqu'un qui doit, dit-il, prendre le pouvoir pour unifier l'Italie par rapport aux étrangers. Eh bien, il me semble très important de signaler que l'ouverture qui est faite ici est celle qui est faite aux grands aventuriers. L'autre point que je voudrais souligner avec ce texte, c'est que vous apercevez l'énergie qu'il faut mobiliser, mais aussi la modestie qu'il faut respecter. Et je crois qu'il y a ça chez Machiavel aussi, cette alliance extrêmement subtile entre le courage qu'il faut mobiliser, hein, et évidemment toujours le fait de se dire « je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas grand-chose par rapport aux éléments ». On trouverait par exemple chez les grands personnages shakespeariens la même conception du temps. En particulier ceux qui ont échoué, hein, Richard III, des personnages qui sont tout à fait éloquents d'une tentative humaine qui peut très bien échouer, Moi, j'aurais tendance à dire qu'on trouve cela aussi dans les personnages de Conrad, de manière moins flamboyante que ce qu'on vient d'entendre. Mais en fait, une idée que ce n'est pas grave. L'important est de tenter l'action, d'essayer de mobiliser autour de soi, de réussir à agir collectivement en inspirant confiance pour pouvoir imposer finalement un sens humain à la fortune. Ce qui ne colle pas avec la référence à Shakespeare où il y a véritablement en fait un tragique de l'histoire. Et ce tragique-là, en fait, nos passions, notre volonté, notre travail collectif ou individuel se heurtent à ce sens de l'histoire. Je pense que mon interprétation personnelle de Machiavel, que j'ai développée dans un chapitre de mon livre « Machiavel ou la politique du centaure », précisément, il y a un aspect quand même qui est assez proche de cela. C'est-à-dire que le caractère énergétique de la virtu, on ne peut pas couper ça chez Machiavel d'un tragique qui serait un tragique non pas métaphysique ou divin, mais historique. C'est-à-dire que dans l'histoire... les joueurs, par moment, en tout cas quand l'histoire implique qu'il y ait une action extraordinaire, les joueurs doivent jouer, mais ils peuvent être défaits. Ça serait ça, pour moi, le tragique historique. D'où l'importance de l'erreur aussi. Quand Elon Musk dit « on peut faire des erreurs, ça fait partie en fait de l'existence, mais à la différence d'un personnage de Shakespeare, ça ne veut pas dire qu'on meurt tout de suite. » C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des erreurs, de se tromper, ça ne signifie pas que c'est l'échec total. Enfin, en tout cas, la mort symbolique d'une faillite, par exemple. Oui. Eh bien, une mort. Moi, je maintiendrai l'idée, au contraire, que le risque, c'est de mourir. C'est-à-dire que, là encore, je vous signale l'originalité très grande de la pensée de Machiavel, et sa très grande force, c'est de nous dire, oui, nous pouvons mourir, mais nous devons jouer. Et en ce moment même, est-ce que ce serait cette manière-là donc on pourrait avoir en tête quand on lit Machiavel, c'est-à-dire vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vu ce qui se passe de manière dans politique internationale, en Ukraine, avec la Russie, vu ce qui s'est passé avec la pandémie, est-ce que c'est ça qu'il faut avoir en tête ? En tout cas pour moi, l'innovation sociale qui a présidé à les nombreuses initiatives d'innovation sociale qui ont présidé finalement à la survie des institutions et des collectifs, des entreprises dans le Covid, alors que les plans d'action politique étaient désemparés, inefficients, relèvent de la virtu. Dans le même ordre d'idées, les Ukrainiens, ce courageux peuple ukrainien qui invente mille manières de se défendre contre l'agression russe, eh bien, évidemment, lui-même relève de la virtu machiavélienne. C'est-à-dire que, de manière évidente, ici et là, quand on n'a pas le choix, c'est à ce moment, paradoxalement, qu'il peut y avoir une action libre, c'est-à-dire inventive, fortement contrainte, donc rien moins que libre d'un côté, mais d'un autre, totalement imprévu, imprévisible. La fortune elle-même n'y avait pas pensé. Et, du coup, vous voyez comment l'erreur est un risque qui est finalement compris dans les choses, mais qui on doit en payer le prix. On doit en payer le prix, et de toute façon, il me semble que Machiavel nous dit que l'adversité est une chance. Merci beaucoup Thierry Minicier. On se quitte sur ces paroles de vous. On peut lire Machiavel, Ombre et Lumière du politique, c'est paru aux éditions Ellipse. Machiavel ou la politique du centaure que vous avez cité aux éditions Hermann. Alors je signale aussi que vous avez écrit le vocabulaire de Machiavel. C'est très bien ça pour les étudiants. On aime les éditions Ellipse pour ça. Mais aussi Machiavel, la politique et l'histoire, enjeux philosophiques aux éditions PUF. Et puis bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, lisez Le Prince. Nous avons recours à la traduction de Christian Beck qui est disponible aux éditions Robert Laffont et en pocket. De Machiavel à l'aventurier d'Indochine, et voilà, c'est fait. Jusqu'à un autre aventurier du micro, c'est Frédéric Worms qu'on retrouve aujourd'hui comme tous les jours sur France Culture pour sa chronique Le Pourquoi du Comment. Comment l'histoire peut-elle basculer ? On est parfois surpris de voir que certains événements introduisent une rupture radicale dans l'histoire pour définir, comme le disait Charles Péguy dans son célèbre volume intitulé Clio, Clio c'est la muse de l'histoire, pour définir donc ce qu'il appelait un avant et un après. Et on se demande comme ça, d'une manière un petit peu rétrospective, dans notre vie individuelle comme dans la vie collective, que s'est-il donc passé ? Comment cela se fait-il que nous soyons passés d'un avant à un après, que à après tel événement, par exemple l'attentat du 11 septembre 2001 ou bien la pandémie de coronavirus en 2019, eh bien on soit tellement projeté dans un après que l'on n'arrive même plus à se représenter comment nous avions bien pu vivre avant, comme si tout avait changé. Et nous nous demandons, comme cela, comment l'histoire peut-elle basculer? Mais c'est sans doute une fausse interrogation, car c'est au contraire parce qu'il y a de tels basculements, parce qu'il y a de tels événements, parce qu'il y a de telles discontinuités que l'on peut parler d'histoire. L'histoire, ce n'est justement pas un fil continu qui relierait, comme sur une chronologie abstraite, dans un cadre vide, des événements qui s'y situeraient de manière aléatoire. Au contraire, on ne peut parler d'histoire que parce qu'il y a des discontinuités majeures, que parce qu'il y a des ruptures comme dans la vie individuelle, dans la biographie d'un individu, des coupures majeures que sont la naissance et la mort, que sont aussi les grandes épreuves et les grandes joies, celles qui bouleversent tout et qui mettent du temps justement à se répercuter. Le critère d'un événement, c'est qu'il fait histoire. Il fait histoire, je dirais, dans les deux sens, dans sa profondeur temporelle. Ça n'est jamais seulement l'événement singulier, le coup de foudre, comme on le dit dans une vie amoureuse, dans une histoire personnelle, dans une histoire relationnelle, c'est aussi sa double profondeur temporelle. D'abord, à mesure qu'il déplie ses effets. Un événement n'est historique, un événement n'est une rupture que si ses ondes, en quelque sorte sismiques, se répandent dans tous les domaines de la vie humaine, individuelle et collective. C'est le cas d'une grande guerre, d'une guerre mondiale. C'est le cas aussi d'une grande découverte scientifique. C'est le cas d'une invention technique, par exemple le numérique, qui se déplie dans tous les domaines de notre vie. Mais cette profondeur temporelle, elle est aussi curieusement rétrospective. L'événement historique très profond, nous en chercherons historiquement, avec la connaissance historique, les conditions rétrospectives de possibilité. Comment cet événement a-t-il été possible? Comment aura-t-il été possible dans ce futur antérieur énigmatique de la connaissance historique qui, certes, ne prédit que le passé? Et l'histoire est la prédiction du passé, selon une ironie profonde d'un certain mot célèbre. Mais prédire le passé, ce n'est pas si facile. Comment la Révolution française a-t-elle été possible? Est-ce parce que Louis XVI était un roi incapable? Est-ce parce qu'il y avait une crise économique profonde? Est-ce parce que les structures de production de la bourgeoisie depuis deux siècles menaient inéluctablement à la Révolution française? Est-ce parce que la théologie politique commençait à se séculariser et le peuple a pris la place de Dieu? Quelle est l'explication historique? Quels sont les effets de l'histoire? Mais il faut toujours repartir des points de bascule dont on vérifie la profondeur par l'expérience et par le savoir. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Thaïs Éloi Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Nicolas Berger à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. Merci à Bernard Gabé pour son excellente lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine machiavélienne et demain, nous nous demanderons si la politique est avant tout une question d'image et ce sera avec Vincent Martini. À demain sur France Culture.